Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel. Merci d'être au rendez-vous le vendredi soir. Vous le savez, le rendez-vous à ne pas louper. Bah, si vous le loupez, c'est pas bien grave, je vous le dirai après pourquoi. Simplement parce que à partir de 19h et à l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel, si vous voulez découvrir tous les artistes de la région orléanaise et d'ailleurs aussi, hein, parce que des fois on reçoit aussi des groupes qui font l'effort de venir de très loin. D'ailleurs, depuis quelques temps, on va remonter quelques semaines en avant. On avait reçu la semaine dernière, il y avait Pascal qui était avec moi, qui co-animait l'émission. On avait interviewé le groupe Prisma juste avant le concert. Et justement, Pascal, lui, il fait partie du groupe Swim Camille. Et le groupe Swim Camille était venu dans l'émission le vendredi 11 novembre. C'était l'édition numéro 527. Entre-temps, on a reçu aussi la Jarry, hein, qui était venue la semaine d'après. On a reçu Jesus Whiskey, une bonne découverte pour ceux qui aiment le blues très roots. Ils étaient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous avaient fait des très bons lives. On a reçu aussi le groupe Narcos, un groupe qui était venu de la région de Châteaudun. On avait fait une émission avec Alex Lebaille, qui avait fait aussi la première partie du groupe La Jarry en concert il y a exactement deux semaines. Voilà, c'est ça, tout à fait. On a reçu aussi un groupe qui s'appelle The Gig, une très bonne découverte dans l'émission Mavrika. On a eu le retour de Delcia, qui était venu le 27 janvier pour parler de son nouveau single qui s'appelle No Game. Le vendredi 3 février, je devrais m'en souvenir de cette date-là, c'était The Brunettes qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour la première fois, hein, ça fait un petit moment qu'on les suit, et justement, ils étaient aussi en concert à Saint-Yves il y a 3 semaines, quoi, à peu près. Voilà, on a reçu Les Oreilles qui saignent, un groupe que nous avions découvert aussi au Son des Blés, cet été. Un groupe aussi qui était venu de Paris, qui s'appelle Anaïs From Paris, le vendredi 21 février, ils étaient là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on avait découvert leur univers, et on a eu le plaisir aussi de les retrouver, justement, ils étaient aussi au concert de la Jarry. Voilà, le groupe Ombrage, dans l'émission numéro 542, le 3 mars, très bonne découverte, je les ai vus en première partie du groupe Full System en concert, il n'y a pas très longtemps, c'était au Bouillon, tout simplement, à la source, dans l'université, et ils étaient en première partie du groupe Full System, le groupe Full System qu'on a reçu justement le vendredi 10 mars, et le vendredi 10 mars, donc Full System était venu, ils étaient déjà venus il y a quelques années, hein, ça fait un petit moment qu'on les suit, et depuis un petit moment on n'avait plus de nouvelles, et sont revenus donc pour nous parler de la suite de leur aventure. Le vendredi 17 mars, nous avons reçu Yavanna, et la semaine dernière, donc, nous avons fait une interview avec le groupe Prisma, mais ils n'étaient pas ici, ils étaient en préparation du concert qui a eu lieu donc la semaine dernière, samedi dernier, comment ça s'appelle, à Cléry-Saint-André, voilà, ça me revient, donc un superbe concert, le Cric Fest numéro 2. Voilà, si vous avez loupé cette édition, ne loupez pas la prochaine. Et puis aujourd'hui, donc, on est dans l'émission numéro 500, j'ai rien préparé, juste l'émission numéro 548, et c'est le groupe Glass Zone qui est là ce soir pour nous présenter leur univers. The crisis has prompted an emergency parliamentary session this afternoon. The violence on the streets has forced many people from their homes. La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde, c'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. We'll be right back. écoutez Radio Arc-en-Ciel et dans l'émission de Radio Mavrica le vendredi soir à partir de 19h. On est ensemble pour 3h, hein, donc on a déjà écouté un petit peu de musique et à chaque fois on essaie de faire découvrir un univers différent dans l'émission Mavrica. On a commencé avec Prisma, c'est le groupe que nous avions interviewé la semaine dernière, donc ils étaient dans la salle de Clérice Saint-André pour préparer le Creepfest 2 et on a discuté un petit peu avec eux. Ils nous ont fait découvrir d'autres groupes, hein, comme le groupe Earthline qu'on écoutait juste après, donc on a commencé avec Prisma, Tell Me Why, le nouveau morceau, hein, donc en exclusivité pour Radio Arc-en-Ciel. On a continué avec Earthline, donc tête d'affiche de ce concert, franchement un superbe bon groupe avec des très bons musiciens. Et le morceau qu'on a écouté dans l'émission s'appelle Fire Dance. Juste après, on a continué avec Custom, un groupe que nous allons retrouver dans le Mavrica Live numéro 12. Ce sera le 10 juin à l'espace Berrère. Donc le groupe Custom qu'on connaît bien dans l'émission Mavrica parce qu'on les diffuse assez souvent. Et on écoute un morceau qui s'appelle Bad Day. Et à l'instant, un groupe que nous avons reçu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Une découverte. Depuis, on les a vus aussi en concert. Moi, en tout cas, je les ai vus au Dropkick. Le groupe s'appelle Drive to Amnesia et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Better Life. Donc ce soir, nous avons ici un des membres du groupe Glazone et nous allons tout découvrir sur ce groupe. Bonsoir. Ah, et tu ne l'entends pas. Voilà, bon, on a un petit souci, mais on va régler ça tout de suite. Hein. Le problème, le truc, c'est qu'on va envoyer un autre morceau et puis comme ça, on va résoudre ce petit problème-là tout de suite. C'est parti. À nouveau dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est bien la preuve qu'on est en direct puisque on a des petits soucis techniques, c'est simplement un réglage de volume du casque. Donc cette fois-ci, eh ben, on recommence. Donc ce soir, nous recevons dans l'émission 548 le groupe Glazone et il est représenté par un des membres. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir, je vais te laisser te présenter. Donc tu vas nous parler du groupe Glazone donc pendant toute l'émission numéro 548 et on a pas mal de temps, tu as amené plein de morceaux en plus. On va essayer de diffuser le maximum de morceaux et découvrir justement votre univers. Très bien. Alors, c'est Judy de Glass Zone. Je suis le concepteur, auteur, compositeur, interprète de tout Glass Zone. D'accord. Car à la base, Glass Zone est un projet solo. Mmh. Donc, tout est fait par moi-même. D'accord, donc c'est toi vraiment, c'est ton univers à toi, c'est avec les influences que tu as pu avoir, et voilà, tout à etc. fait. Donc moi, c'est vrai que je passe depuis quelques semaines déjà Architecture of Life, et je dis tiens, ça sonne un petit peu comme ce que j'écoutais moi dans les années 80, le groupe Cure, je pense que c'est un des groupes c'est qui t'a inspiré. C'est une référence, ouais. Ouais. Mais pas que. Mais pas que. Mais c'est, oui, il y a toute une période des années 80 qui va à peu près, enfin de 82 à peu près 78 à 80, on va dire 86, 87, toute la période Cold Wave, quoi. Mm-hmm. Très bien. Donc, c'est toi qui compose les morceaux, qui fait les paroles aussi, qui fait tout, quoi. Et les enregistrements, comment et ça les se enregistrements passe aussi, tout est fait à la maison. D'accord. Bah dis donc, là, c'est beaucoup de travail. Donc, alors comment ça se passe pour la composition? Est-ce que c'est d'abord la musique qui te vient, ou est-ce que c'est les paroles, ou... Bon, souvent c'est la musique. Mmh. Alors ça peut partir d'un pad de batterie, d'une ligne de basse, une ligne de guitare. Il y a pas de recette, quoi. Non, il y a pas de recette. Voilà, c'est un petit morceau, un petit riff, et puis hop, après ça part dessus, ou un petit rythme de batterie, et hop, on met une petite ligne de basse, une guitare, deux guitares, et puis après le chant c'est souvent en dernier. D'accord. Donc là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau bien tranquille, bien cool, instrumental. Il y a aussi des morceaux qui sont chantés, donc. Et tu as choisi la langue anglaise, c'est ça? Oui. Toujours. Il n'y a pas de morceau en espagnol. Non, ni en français, ni en espagnol, que en anglais. D'accord. Donc l'anglais a été choisi. Et quels sont les sujets qui sont traités dans tes morceaux? Alors, Exemple, le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Melusina Dreams. En fait, ce morceau, c'est le premier morceau qui a été diffusé quand j'ai démarré le groupe en 2017. C'est le morceau qui a ouvert, la page Glass Zone, qui a été diffusé. D'accord. Donc, ce morceau, c'est... En fait, le titre n'a rien à voir. Enfin, c'est parce que je trouvais que le titre allait très bien avec la mélodie. Mm-hmm. C'est simplement ça. C'est un peu une invitation au rêve. D'accord, très bien. Donc maintenant, on sait que le groupe existe depuis 2017. Voilà. Donc tu as travaillé tout le temps, ou est-ce qu'il y a eu une coupure vraiment avec le Covid et tout ça, ou... Tout le temps. Il n'y a pas eu de coupure. Donc après, il y a, comme tu nous l'as expliqué, tu as un studio aussi, donc tu enregistres. Voilà. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que quand on peut pas faire de concert, on peut toujours faire des enregistrements et des compositions et continuer le truc comme ça. Donc en plus, depuis 2017, donc ça fait, si je calcule bien, à peu près 6 ans. 6 ans. 6 ans, et vous avez déjà sorti plusieurs albums. Oui. Combien d'albums déjà? on va les présenter au fur et à mesure. D'accord. Ça sera un peu plus simple, comme ça permettra de mettre une chronologie, puis les morceaux qui vont avec. D'accord. Donc le premier morceau qu'on a écouté, là, c'était vraiment le début. C'était vraiment le début. C'est vraiment le morceau qui est sorti en 2017 et qui figure sur un mini-album qui est sorti en février 2018, qui s'appelle Architecture of Life. D'accord. Mmh. Très bien. Alors là, on a parlé un petit peu de la composition. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans la musique? Parce que bon, il y a forcément eu un moment, le groupe a commencé en 2017, mais je pense qu'avant, tu avais peut-être déjà une expérience ou... Non ou... En fait, je fais de la guitare depuis mes 20 ans. C'est-à-dire D'accord. à peu près 30 ans. Bon, il y en a, ils sont en train de calculer, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas si vieux que ça. Hein. Non. Et puis, j'ai toujours composé, mais j'ai jamais cherché à monter de groupe ou autre. D'accord, donc là c'est un projet que tu as inventé, quoi, tu as initié, et aujourd'hui tu es entouré d'autres musiciens aussi. Oui, mais seulement pour le live. D'accord. Ah oui, sinon pour tout ce qui est enregistré en studio... Non, il ne participe pas du tout, tout est fait vraiment par moi-même... C'est marrant parce que souvent je pose la question, est-ce que le groupe est plutôt un groupe de studio ou un groupe de live? Mais là finalement c'est deux choses différentes, quoi. C'est vraiment deux choses différentes. Deux choses différentes, très bien. Donc c'est vrai que grâce au studio tu peux faire du multipiste, donc tu enregistres de la batterie. C'est toi qui joues dans tout alors? Tout. D'accord, bah, donc un musicien complet. Et par contre en concert c'est moins drôle. Ou alors après on se sert de boucles, ou alors on se sert de samples, ou des choses comme ça. Mais ça reste un petit peu synthétique et on aime bien voir sur scène, on aime bien voir un vrai batteur, on aime bien voir un vrai bassiste, un vrai guitariste et tout ça. Donc il y a quand même le visuel et puis aussi le fait que ça bouge, parce que quelqu'un derrière des machines, c'est pas toujours très. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je prends des musiciens pour le live, pour donner un peu plus de vie aux morceaux sur scène. D'accord, très bien. Donc, tu as fait beaucoup de concerts depuis le début de Glazone? Non, pas beaucoup. C'est plus un groupe quand même de recherche, peut-être. Moi, je le vois comme ça. Un groupe peut-être de plus de recherche et puis d'enregistrement et de studio, quoi, non? Non, il y a peut-être les deux. Il y a les deux, il y a les deux. Là, on a une configuration à quatre, donc avec... batteur, basse et deux guitares. Donc, disons que ça va ouvrir peut-être un peu plus de perspectives pour faire des lives. D'accord. Parce qu'il faut arriver à trouver aussi des musiciens pour pouvoir jouer aussi. Ouais, oui, c'est pas toujours évident. Déjà, pour composer un groupe, et puis après, les musiciens, c'est pas tout de les avoir trouvés. Il faut des répétitions. Voilà, c'est ça. Il faut que ça se mette en place. Les gens, ils imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière les projets des artistes, hein. C'est qu'il y a les répétitions, il y a la composition. En plus, toi, tu fais tout. Donc, la composition et tout ça. Donc, j'imagine, c'est beaucoup de travail. Donc, on a parlé tout à l'heure des influences. On a parlé de The Cure, mais donc, c'est toute cette période-là des années 80, hein, moi, que j'ai connu aussi. Et c'est vrai qu'on oublie un petit peu que dans les années 80, il y avait quand même du rock, hein, parce que c'est vrai qu'on, du rock, ouais, on parle des 60, 70, même 50, hein, on peut remonter un peu plus loin. Et après, on reparle des années 90. Et finalement, on oublie qu'il y a une période dans les années 80 où il y avait quand même des bons groupes aussi de rock qu'on écoutait aussi à la radio, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu particulier d'écouter du rock à la radio. Ou alors, c'est des radios qui sont dédiées au rock, ou alors sinon, avant, on écoutait tout sur une... Oui, il y avait tout passé. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage, parce que chaque radio s'est spécialisée sur un style, et donc, mais à l'époque, il y avait des très bons morceaux, et qu'on a peut-être un petit peu oublié, parce que on parle plus des années 80, le funk, la musique... New Wave. La musique synthétique. Ouais, il y a eu le type du synthé, on parlait tout à l'heure, on a écouté des groupes de rock, il y avait le rock FM, tous ces phénomènes qu'on a peut-être un petit peu oubliés, mais ça fait plaisir aussi de se replonger dans cet univers-là, parce que finalement, il y avait chaque époque, je pense qu'il y a toujours des bons morceaux. Il y en a certains, il vaut mieux les oublier, mais il y en a certains qu'on est content de réécouter. On parlait tout à l'heure de groupes hors antenne, hein, on connaît des groupes comme les Brunettes qui étaient venus ici, on les avait vus en concert avec les VPC, et c'est vrai que eux aussi reprennent des morceaux des années 80 et quand on les a vus en concert, parce que tu y étais toi aussi au concert. Finalement, le monde à peu près la même période, donc. Ouais, et c'est vrai que moi j'ai réécouté des morceaux Lords of the New Church. Je me dis bah oui, mais c'était bien, et on avait un petit peu oublié. Et c'est vrai que des fois, en réécoutant comme ça, on recherche après aujourd'hui la possibilité sur Internet de rechercher ces groupes-là et de les réécouter avec beaucoup de plaisir, quoi. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on n'a jamais vraiment écouté. Moi, je découvre encore des groupes des années 80 que j'avais jamais entendus avant. C'est toujours. Ouais, des fois, il y a un décalage. C'est vrai qu'on découvre, on a l'impression de vivre une période et on écoute plutôt autre chose. Et finalement, c'est quelques années après qu'on réalise que finalement la période qu'on a un petit peu occultée était très bonne aussi. Il y avait plein de bonnes choses à écouter, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est inspiration plus... Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce son-là? C'était on parlait de dark, de cold. Cold wave, voilà, c'est post-punk. C'était nouvelle vague, hein, s'appelait comme ça. Voilà, c'est juste après le punk. C'était un peu la suite du punk, mais un peu plus travaillé, un peu plus... on va dire, un peu plus propre. Ouais, je sais, c'est pas facile à trouver le bon terme. Ouais, et puis facile. En plus à cette époque-là, je me souviens, c'était la New Wave, donc tout ce qui était nouveau, on mettait ça dans la New Wave. Alors que voilà, dans la New Wave, il y avait plein de choses complètement différentes les unes des autres, mais c'est ce qui était à la mode, donc on appelait ça comme ça, quoi. Ouais, donc il y avait une certaine esthétique, il y avait plus l'image punk en fait. Pour la Cold Wave, les gens c'était des gens standards qui faisaient de la musique. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Très bien. Donc, on a écouté un premier morceau. Je propose qu'on écoute un deuxième parce que tu m'en as amené pas mal. Donc, il y a plusieurs périodes, plusieurs inspirations différentes. Et puis, tu peux aussi nous parler. Donc, le premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure, c'est la première composition. Là, maintenant, c'est le deuxième. Donc, ça s'appelle Fleeting Madness. Ben c'est pas celui que j'ai calé en plus. Non, bon, on va mettre celui d'après. On va corriger, je sais pas pourquoi il s'est mis là. Sinon, c'est lequel? Ah, c'était Untitled. Donc, celui qui a pas de titre. Non, mais on va le caler, hein. On va le caler vite fait. Donc, je cherche tout de suite, hein. Bon, bah, j'arrive pas à le trouver tout de suite. Bon, ça fait rien. On va le passer celui-là et puis après on va le recaler. Je sais pas pourquoi il manque un morceau. Bon, on va le retrouver. Il s'est échappé. Voilà, c'est tout simplement. Donc, on va écouter le morceau Entitled. Tu veux nous en parler un petit peu avant et sachant qu'il était pas prévu à cet endroit-là. Hein, voilà. Oui, je peux en parler. Hein. Donc, c'est le morceau qui n'a pas de titre. C'est un morceau qui n'a pas de titre. C'est un morceau qui a été composé fin des années 90. Ah ouais, d'accord. C'est un des premiers morceaux que j'ai composé quasiment tout seul, avec une rythmique, basse et une guitare. Et ce morceau n'a jamais bougé depuis. Il est toujours resté fidèle à lui-même. D'accord, il évolue pas. Il a jamais évolué. D'accord, tu l'as gardé comme ça, et puis parce que j'ai jamais pu lui mettre de paroles, j'ai jamais pu lui trouver un titre. D'accord. Donc. Bah, du coup, le titre, c'est qu'il n'a pas de titre. Voilà. Et en plus, c'est vrai, c'est marrant parce que moi, je vois souvent avec les artistes, ils disent voilà, on a enregistré tel morceau à telle époque. Aujourd'hui, si on l'enregistrait à nouveau, il serait différent, on l'enregistrait d'une autre manière. Voilà, on joue ça un peu différemment. Donc, les morceaux continuent d'évoluer, tout ça. Et c'est vrai que les artistes, ils ont du mal. J'imagine très bien un peintre quand il finit de faire un tableau. À quel moment il est fini? Est-ce que je vais rajouter un petit truc là? Est-ce que je... Voilà, il y a Et là, toi, tu me dis, voilà, le morceau il est fini, voilà, il convient exactement à ce que tu voulais. Voilà. Et voilà, il y a rien à... J'ai jamais pu le faire évoluer, il est resté tel quel. Très bien, bon, on va l'écouter tout de suite et on va essayer de comprendre la raison alors. Thank you. Voilà, on l'a retrouvé, ce morceau Fleeting Madness. Donc voilà, il y a eu un petit décalage, je sais pas pour quelle raison. Donc on l'a écouté à l'instant. Donc c'est un morceau, c'est le premier morceau qu'on écoute qui est chanté, hein. Oui. Donc ça parle de quoi, de quel est le sujet? De folie passagère. D'accord. OK. Donc comment te vient l'inspiration justement au niveau des paroles? Est-ce que les paroles ont beaucoup d'importance, ou est-ce que c'est plus pour le son, le fait de chanter en anglais, donc ça passe mieux avec ce style de musique, ou alors tu as vraiment un vrai message à faire passer dans certaines chansons? Non, il n'y a pas vraiment de message, mais bon, il y a quand même une certaine recherche dans les paroles. Faut que ça soit, faut quand même que ça dise quelque chose. Ouais. Oui, parce que chaque c'est vrai chanson que... a son thème, qui peuvent parfois même avoir, enfin, plusieurs. Une chanson peut avoir plusieurs significations. Les paroles peuvent être, peuvent être perçues différemment. Oui, tout à fait. Il y a les gens qui s'accaparent beaucoup de chansons en disant c'est notre chanson, parce qu'ils reconnaissent les paroles, ils le voient d'après leur vécu à eux, mais voilà. La personne qui l'a écrit n'a pas forcément pensé à la même chose. C'est ça. J'ai même des gars ou des gens, ils avaient dit voilà, on avait écrit telle parole, ça veut dire ça. Et puis les gens l'ont interprété d'une manière, et ils disent on n'avait jamais pensé que les gens auraient pu l'interpréter de cette manière-là. Mais finalement, le fait qu'ils comprennent les paroles de cette manière-là, bah, ça gêne pas du tout, hein. C'est vrai que. On perçoit pas tous de la même manière les mêmes paroles, et comme la musique, hein, de toute façon on est tous différents. Très bien. Donc d'autres sujets qui sont là, c'était donc la folie passagère. C'est ce qui arrive assez souvent à certaines personnes, hein. Voilà. Je crois qu'on passe tous par des stades comme ça. Quels sont les autres sujets par exemple que tu abordes? Ça peut être un coucher de soleil. Mmh. Ça peut être le temps qui passe. L'ennui, ça peut être beaucoup de choses en fait. D'accord, très bien. Donc tout peut être source d'inspiration. Voilà, tout. À partir du moment où tu as une idée, tu voilà. As, voilà. Et, ça peut être la fin du monde, ça peut être vraiment tout. D'accord. Il n'y a pas de. Et souvent, ce qui vient aussi dans le rock, souvent, c'est l'histoire d'amour. Enfin, ça marche toujours. Est-ce qu'il y a aussi des histoires d'amour dans des paroles? Peut-être. Ouais, peut-être pas directement. Pas directement. Ouais, je comprends. Parce que, effectivement, y a aussi des gens qui interprètent des morceaux en français. Ils disent, voilà, des fois, c'est pas évident devant un public français d'interpréter des morceaux en français, parce que les gens comprennent tout ce qu'on dit. Donc, voilà. En anglais, on peut peut-être un peu plus dissimuler les choses en parlant de certains sujets sans vraiment le dire, quoi. Voilà. En général, c'est les chansons d'amour, c'est les chansons qui tournent mal. Mais... Ouais, c'est ce que, c'est pas... c'est ce que voilà. Disait Rita Mitsuko. C'est ça. Voilà. Souvent finissent mal, mais bon, en général, pas toujours, heureusement. Donc voilà les différents sujets qui sont abordés dans les chansons. On a parlé tout à l'heure des influences avec plusieurs groupes. Alors là, on reconnaît quand même, je sais pas, moi quand j'écoute ce morceau-là, on me le présente pas, je me dis c'est un morceau des années 80, quoi. C'est vraiment le style. Tu as repris la sonorité, les guitares, le rythme, je sais pas, il y a exactement tout. Et la voix aussi, elle est traitée. Tu mets des effets sur la voix, non? Oui. Oui, il y a beaucoup de, il y a des effets. On voit bien que ce côté un petit peu robot, peut-être, non? Ouais. En fait, c'est parce que les voix sont avec la réverb et les voix sont doublées. Ah, d'accord. C'est parce qu'en fait, au départ, surtout sur les premiers morceaux, je suis pas chanteur. Donc, s'entendre chanter, c'est très très dur. Donc, on essaye de camoufler. Puis, forcément, d'accord. On chante peut-être pas forcément très juste. Donc, on essaye un peu de. Voilà, on triche un peu. Donc, d'accord. On essaye de. On noie un petit peu dans la réverb. Et après, c'est vrai que. Oui, mais ça va avec le style de l'époque. Voilà, parce que, oui, c'est ça. Ouais, à l'époque, c'était quand même la découverte des synthétiseurs. Il y avait, bon, les guitares, on les connaissait déjà depuis un petit moment, mais les guitares, la basse, la batterie, il y avait les premières boîtes à rythme aussi. Les premières boîtes à rythme, ouais. Voilà, donc des fois, les trucs très saccadés, etc. Donc ça correspond vraiment à cette époque-là. Aujourd'hui, on a évolué dans une... Mais Mais de temps en temps, il y a des sons comme ça qui ont été inventés à cette époque-là, qui servent encore aujourd'hui de référence. Hein. Faut quand même le savoir. C'est vrai que chaque époque amène quelque chose de nouveau. Ouais, mais après, il y a des choses qui sont apparues à un moment et qui finalement, on continue de les utiliser toujours, quoi, finalement. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, on a écouté Fleeting Madness. Alors, on a plein de morceaux à écouter. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être les passer deux par deux, comme on a fait là, parce que, ouais, pour essayer d'en diffuser le maximum. Alors, on est ensemble jusqu'à 22 heures. Donc, on a encore un petit peu de temps. Et, on va parler un petit peu de l'histoire. Alors, il y a eu combien d'albums? Trois albums. Alors, il y a eu. C'est ça, hein. Quatre albums. Il y a eu un mini-album, trois albums, un EP, un trois titres et un single. Ah ouais, quand même. Ah ouais, si. Et moi, je disais trois albums, mais c'est finalement, on avait raccourci un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de choses. Donc, Et aussi un album, un EP, mais c'était un side project. D'accord. Entre temps. Ok. C'était les morceaux qui rentraient pas dans la case Glass Zone parce que c'était un peu plus punk. Ah ouais, d'accord. Donc, tu as eu plusieurs influences. Voilà. De la zone, c'est ce projet-là, mais finalement, tu écoutes aussi d'autres styles de musique, non? Non. Il y a un petit peu de punk comme ça. Quand j'ai, d'accord. En fait, suivant ce que j'ai, hop. D'accord. Je mets. Je peux composer beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, parmi les nouveaux artistes, est-ce qu'il y en a certains qui te plaisent ou est-ce que tu dis oh, finalement la musique d'aujourd'hui me plaît pas, je préfère revenir sur la musique d'avant quoi. Non, il y a des artistes, y a des bons artistes actuels, hein. Oui, comme Interpol. D'accord. Qui ça fait presque, oui, ça fait même 20 ans maintenant qu'ils existent. Il y a des groupes comme Bloc Party, Editors, The Killers. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là récemment, j'ai écouté King of Leon. Ouais, c'est vrai que c'est des groupes qu'on connaît pas forcément très bien en France et qui voilà et qui sont mondialement connus quoi. Voilà, enfin. Ils ont des très bons morceaux. Il y a aussi She Want Revenge. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a. J'en écoute plein. Donc après il y a plein de groupes. Il y a Proto Martyr. Idols, c'est plein de groupes, pas mal de groupes américains. Très bien. Est-ce que tu vas aussi, tu t'intéresses aussi, bon, on l'a parlé tout à l'heure, on avait dit qu'on allait, qu'on s'était croisé donc au concert des Brunettes avec VPC. Oui. Est-ce que tu vas souvent voir d'autres groupes de la région? Bon, je vais souvent les voir eux. Après, non, je côtoie les Drive to Amnesia, les Yeti, ouais. Tout ça. Mais après, non, pas, je sors pas énormément dans... Je fais pas beaucoup de concerts sur la région. D'accord. Toi, t'aimes bien te concentrer sur ta musique. Ouais. À l'occasion, tu vas avoir comme ça un petit concert par ça, voilà, par-ci, ouais, par-là. Mais c'est pas vraiment le truc que tu fais le plus souvent, quoi. Voilà. Ok, donc forcément les gens du frigo, hein. Les gens du frigo, les voilà. Les gens du frigo, donc on va expliquer d'ailleurs à tous. Les Chili Dogs, les VPC, ouais. Les Yeti, les Brunettes. Il y en a d'autres, je crois que ça se limite à peu près à ces groupes-là. Hein. Oui, VPC, donc c'est des gens qui ont une salle de répétition, ils enregistrent aussi, voilà, c'est des gens qui se côtoient et qui organisent aussi des bons concerts, hein, franchement, et à chaque fois c'est un plaisir. Et c'est des gens qu'on connaît bien, qui viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dès qu'ils ont la possibilité, hein, donc les Sheet Dogs sont déjà venus. Il y a aussi les VPC que je n'ai pas encore reçus, mais que j'aimerais bien recevoir aussi. Donc on va essayer de caler tout ça, parce que tout à l'heure je t'expliquais aussi, c'est qu'on va recevoir des... chaque semaine un artiste différent, trois projets jusqu'à la fin avril et au mois de mai il risque d'y avoir une interruption, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de date, mais vous inquiétez pas, dès que je connais les dates parce qu'on doit travailler dans les studios et dès que les studios seront à nouveau disponibles, ben on reprogrammera. Il y a déjà une petite liste, il y a déjà pas mal de gens qui veulent revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale et donc vous inquiétez pas, il va se passer quelque chose. S'il n'y a rien d'annoncé pour l'instant, c'est simplement parce que je suis en attente de date. Voilà, c'est tout simple. Mais l'émission Mavrika continue et c'est toujours avec autant de plaisir qu'on reçoit plein d'artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois un groupe qui s'appelle les Satisguy. Je ne sais pas si tu connais. De nom. C'est la première fois qu'on va les recevoir ici dans les studios. Alors c'est un groupe de 8 personnes. Hein. Là, c'est compliqué, ça fait beaucoup de monde. Il y a plusieurs chanteurs, j'ai vu ça. Donc moi, je les connais pas encore, mais j'ai déjà entendu parler en bien. Et on va les recevoir donc la semaine prochaine. Et on terminera ce mois d'avril avec Stéphane des qui était déjà venu ici à plusieurs deux fois, je crois, avec Les Ailes au Nord. Il a aussi son projet solo qui s'appelle Stéphane Acoustique. Et on terminera donc ce mois d'avril avec Stéphane Acoustique. Voilà, pour annoncer les prochaines semaines. Très bien, bah on va écouter un petit peu de son alors. Oui. Parce qu'il y a quand même de la matière. Donc le prochain morceau s'appelle Time. Oui. Donc c'est le temps qui passe, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Bon, on écoute tout de suite le groupe Glass Zone avec Time. Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite. Donc, je vous rappelle que notre invité de ce soir, c'est le groupe, c'est le projet Glazone. C'est vrai que je dis groupe, mais finalement, je commence à comprendre de plus en plus. Donc, c'est Judy qui est là ce soir pour nous parler de son projet, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout, compositeur, auteur, interprète, enregistre, il est technicien, il fait tout. Et il est effectivement accompagné d'autres musiciens de temps en temps lorsqu'il y a les concerts. Mais tous les morceaux qui sont enregistrés, bah, c'est toi qui joues tous les instruments. Donc tu es multi-instrumentiste, tu fais vraiment tout quoi. Oui, tout. Donc on a écouté un morceau qui s'appelle Time et on a continué avec un morceau qui s'appelle The Curtain. Je le dis bien, parce que moi l'anglais... The Curtain. Curtain, très bien. Tu veux nous parler un peu de ces morceaux-là qu'on a écoutés? Alors, Time, c'est un morceau qui a été composé, on va dire, vers 2008-2009, quand j'ai commencé à travailler avec des boîtes à rythme. D'accord. Et en fait, je suis parti sur le rythme de ce morceau, auquel après j'ai rajouté une ligne de basse, une ligne de guitare, et je voulais un son un peu à la Cure, mais sur l'album 17 Seconds. D'accord. Oui, parce qu'il y a une évolution aussi, hein, pour ceux qui connaissent les groupes, d'un album à l'autre, il y a toujours une évolution, hein, tous les musiciens sont comme ça, et, voilà. Donc tu as cherché ce son-là. Son un peu cristallin, clair, et ce qui rend ce morceau comme ça. Très bien. Donc le morceau Time, et juste après, donc The Curtain. Alors The Curtain, c'est un morceau qui est parti sur le riff de guitare juste en intro, et le morceau s'est fait naturellement tout seul comme ça. Il n'y a pas eu de recherche. Tous les éléments se sont mis en place au fur et à mesure que j'ai joué le morceau. Il y a vraiment rien de... Je peux pas expliquer comment il est venu. Bah, l'inspiration, ça s'explique pas, c'est ça le problème. Il y aurait vraiment une recette pour avoir l'inspiration. Il y en a certains qui croient avoir une recette, ils font un succès une fois avec un morceau, ils refont la même recette, ils en font peut-être un deuxième, mais au bout d'un moment, les gens se lassent. Donc, ce qu'il faut, justement, c'est pas avoir de recette et suivre son inspiration. Quand ça vient, ça vient. Et puis, il faut pas non plus chercher à produire un morceau à tout prix en disant, voilà, ce soir, je cherche un morceau, je l'enregistre, c'est bon. Voilà, non, ça vient pas. Non, c'est ça vient. Des fois, des morceaux peuvent prendre beaucoup de temps. On les retravaille, on les remodèle et tout ça. Et des fois, il y a des morceaux, ça coule de source, hop. Voilà. Et puis même des fois, tu es en train de faire un morceau et t'as déjà une idée pour un autre et un autre, et des fois, il y en a plusieurs. Ça arrive. Voilà, très bien. Pourquoi tu as choisi le nom Glazone? Alors, moi j'aime bien. Je trouve qu'il sonne bien. Franchement, il va bien en plus avec le style de musique. Mais il y a sûrement une explication aussi. En fait, je voulais un nom qui sonne, un nom assez court. Je voulais pas un nom composé. Donc, je voulais un nom assez court, assez froid, et qui peut passer un peu dans toutes les langues. C'est d'accord. Surtout ça. Et la signification est... Il n'y a aucune signification. Aucune signification. En fait, la zone, oui, zone, la zone de vert, fer, bon, de vert. Le vert transparent. Oui. C'est froid. Ouais. Ça peut être très chaud aussi quand on le fabrique. Voilà. Il n'y a pas d'explication. C'est vraiment parce que je voulais un nom un peu qui sonne un peu. Ça sonne un peu industriel. Et puis à la fois un peu froid. Voilà. D'accord. C'est vraiment. Il n'y a pas. Je voulais vraiment un nom court, facile à retenir. La transparence, et puis on voit quand même, la transparence, oui, je crois que c'est ça. On voit un peu dans la pochette de l'album que j'ai entre les mains qui s'appelle The Other Side. On voit, bon, le noir, hein, c'est quand même dark. Voilà. Mais après, on voit aussi des nuances de gris et des nuances plus claires, donc qui jouent peut-être sur la transparence, un peu comme le vert, si je sais pas, j'imagine, hein, mais. Oui, voilà. ça peut aussi. Être ça. En fait, c'est la manière dont j'interprète moi, qui n'est pas forcément celle que t'as voulu. Mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est tout un. Il y a tout un. J'essaye de. Comment dire de conjurer un peu tout, en fait. De mettre le nom avec l'image, la musique qu'il y a dedans. D'accord. Bon, donc, Diode, ça, l'explication, c'est que finalement, ça sonne bien et que ça correspond. Moi, je trouve que ça va bien avec le style de musique, en tout cas. Donc, voilà, l'explication, on l'a. Très bien. Alors, je voulais parler aussi. Lorsque tu fais des concerts, tu t'entoures de certains musiciens. Oui. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns, comme ça, ce sera. Oui. Alors, il y a Maxime à la batterie. Alors Maxime, je l'ai rencontré avec avec quand on a fait notre premier concert avec les Drive to Amnesia. D'accord. Et en fait Maxime était l'ancien batteur de Drive to Amnesia. D'accord, comme quoi le monde est petit. Voilà. Et puis en fait un jour il m'a contacté en me demandant si je cherchais parce que nous on avait au départ on était juste une boîte à rythme. Enfin, juste des backing tracks avec basse, batterie enregistrée et deux guitares. Et du coup, il s'est proposé pour venir faire la batterie avec moi. Au départ, j'avais pas l'intention de chercher un batteur, mais au final, ça s'est avéré que ça donnait un peu plus de poids en concert. Ouais. En concert, c'est vrai qu'il y a quand même le visuel. Hein. Batteur, c'est quand même mieux qu'une boîte à rythme en visuel. Après, il y a aussi peut-être le facteur humain, parce qu'une boîte à rythme, c'est quelque chose qui est millimétrique, qui est vraiment précis. Un batteur, il y a toujours le facteur humain qui fait qu'il y a un petit décalage, qui fait qu'il s'amène aussi le côté humain et le côté qu'on aime bien aussi. Ça fait partie de la nature, c'est la nature. Donc après, après le premier guitariste est parti. Donc on s'est retrouvés tous les deux. Donc on a commencé à travailler avec lui à la batterie, sur une basse enregistrée, et moi à la guitare et au chant, ce qui était assez compliqué, parce que il faut quand même arriver à se caler sur une bande enregistrée, pour un batteur c'est très très dur, mais bon ça il le fait bien. C'est vrai parce qu'on voit les batteurs, on voit tout ça, mais on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a, parce que finalement le rythme, il faut qu'il soit bien respecté. Donc quand c'est une bande qui, alors des fois il y en a qui travaillent au clic, d'autres qui travaillent, il y en a qui c'est le batteur, il sort le truc comme ça, et c'est les autres qui se calent dessus. Et puis il y en a d'autres là, par rapport à des bandes, là ça triche pas non plus. Hein, donc il faut vraiment que ce soit calé quoi. Pour départ, on avait un clic pour qu'ils puissent travailler dessus, et après on a réduit, on a mis juste le clic en intro et sur les passages où il y a plus de musique, pour qu'il reste quand même calé, mais la plupart du temps il y a pas de clic dessus, donc il est vraiment calé sur le morceau. D'accord, très bien. Donc on a fait quelques concerts à deux comme ça, et beaucoup de groupes qui ont joué avec nous ont été surpris. Ils ont dit c'est quand même un gros travail, c'est quand même assez impressionnant quoi de travailler comme ça. Ah oui, j'imagine, parce qu'effectivement, les spectateurs se rendent pas forcément en compte, mais quand c'est d'autres musiciens qui sont dans la salle, bah, il y a toujours l'esprit, la déformation professionnelle, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que eux-mêmes sont confrontés à certains problèmes, et des fois ils disent, ça on évite parce qu'on n'est pas très fort. Et quand ils voient quelqu'un qui a choisi un chemin différent, qui arrive très bien, bah, ils se disent, bravo, en tout cas, ils ont réussi à faire quelque chose. Puis ça aide aussi des groupes, en se regardant les uns les autres, à s'améliorer. Hein. Voilà. Ah oui, oui. Très bien. Donc, et ensuite, aujourd'hui. Et ensuite, à partir de la fin d'année 2022, il y a un guitariste et un bassiste qui a rejoint la formation. Donc maintenant, on est une formation complète. Donc toi, tu as gardé la guitare. Patrice à la guitare. Oui. Et Hugues à la basse, qui nous ont rejoints. D'ailleurs, je les salue tous les trois. On les salue. Hein. J'en profite. Et du coup, moi, je reste à la guitare. Et puis, il y a un deuxième guitariste rythmique et la basse et batterie. D'accord, très bien. Donc, la formation, elle est là. Vous avez fait déjà plusieurs concerts dans cette configuration-là? Non, pour l'instant, on n'a pas fait encore un seul concert. Là, on est en train de mettre tout en place. Là, et le prochain concert qui arrive est le 12 mai à Clermont-Ferrand. D'accord. Ah oui, carrément à Clermont-Ferrand. Oui. Donc ça fait un petit peu loin d'ici. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans la région après? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. D'accord. Donc si par exemple il y a des groupes qui cherchent un autre groupe pour faire la première partie ou un truc comme ça et qui ils peuvent nous contacter. Ils peuvent vous contacter. Ils peuvent nous contacter. Ouais. Alors comment on peut te contacter par exemple ? Alors soit par Messenger en passant sur la page Facebook ou sur l'adresse mail aussi qui est sur la page Facebook. D'accord. Donc le Facebook c'est le plus simple. C'est vrai que alors les jeunes utilisent de plus en plus d'autres réseaux sociaux, mais oui, quand après, on regarde bien, utiliser aussi Instagram, hein, ça marche aussi. Ah, ça marche aussi. Oui, oui. Donc très bien. Voilà. C'est bien à savoir. Mais c'est vrai que Facebook c'est quand même le plus répandu. Donc c'est souvent le plus facile pour avoir des premiers contacts et puis après voilà, on échange des téléphones et tout ça et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Donc Glass Zone. Donc là j'ai entre les mains le dernier album, donc c'est The Other Side. Cet album-là, par exemple, si les auditeurs sont intéressés par l'achat, comment ils peuvent faire il pour est se disponible, procurer tous les albums sont disponibles sur Bandcamp. D'accord, donc on peut le télécharger. Ils peuvent le télécharger sur Bandcamp. Tout est sur Bandcamp. D'accord, et s'ils veulent l'album en physique. Et sur Bandcamp aussi. Ah oui, aussi, on peut l'acheter. Soit il me contacte directement, voilà. Soit sur Bandcamp. Donc on peut le contacter sur le Facebook, etc. Et puis après, vous arrangez pour l'envoyer ou vous rencontrer, etc. Et puis après, il y aura forcément, lors des concerts aussi, la possibilité de l'acheter. Et puis à la limite de le faire dédicacer. Donc il faut pas que tu partes ce soir sans me le dédicacer, hein, parce que un jour ça aura sûrement de la valeur. Hein. Voilà. En plus moi ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai une belle collection d'albums de la région et souvent ils sont dédicacés. Et d'ailleurs il y en a un que j'ai là en ce moment, il est au-dessus de ma platine. C'est l'album de Alex Lebail en vinyle, parce que c'est vrai que les vinyles c'est quand même quelque chose de bien. En plus avec les dédicaces, donc ça fait. Tu fais des vinyles toi non, non. Pour l'instant non. Non, c'est quand même assez onéreux, donc pour produire des vinyles, il faut quand même avoir un bon budget. Je me suis déjà intéressé. Je suis intéressé hein, pour en faire. Parce que hein, c'est vrai qu'il y a le côté quand même l'objet. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on numérise tout. On a même le CD commence à devenir le support même. Ouais, aujourd'hui, le CD on numérise tout. On a sur une clé USB, sur le téléphone, sur l'ordinateur, en streaming. On écoute. Les gens, ils n'ont plus rien chez eux. Ils écoutent tout en streaming. Mais le vinyle, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la première année depuis je ne sais pas combien de temps qu'il y a plus de ventes de vinyle que de CD. Oui. Et la France, souvent, dans les années qui viennent, à mon avis, ils vont suivre le mouvement. Ah oui, la vente de vinyle, oui, augmente de plus en plus. Ouais, c'est reparti. Et puis le CD, ça redescend un petit peu. C'est marrant, hein, ces phénomènes-là. Et c'est vrai que bon, il y a aussi le son du vinyle qui est inimitable. C'est le son analogique, c'est le vrai son, quoi. C'est ça. Alors que le numérique, eh ben, on le transforme pour le retransformer, et puis on le transforme en data, et après on le retransforme en son. Et l'avantage du vinyle, c'est qu'on l'écoute en entier. Oui, et puis on peut pas choisir les morceaux qu'on va écouter. Faut pas oublier de le retourner aussi. Et il faut le retourner. Donc on peut pas s'éloigner trop de la platine parce qu'il faut penser à le retourner au bout d'un moment. Voilà. Et pendant ce temps-là, on le pose sur la platine, on le regarde tourner, puis on regarde aussi la pochette, on lit tout ce qui est écrit dessus. Donc ouais, c'est une écoute différente, mais c'est vrai qu'on prenait plus de temps à une époque. Pour écouter un album, déjà il fallait le mériter parce qu'aujourd'hui on écoute un morceau par exemple à la radio, on a le titre, on le recherche, on le télécharge, on l'écoute, ça y est, on l'a tout de suite. Il vient des États-Unis, vient de sortir, on l'a déjà. À une époque c'était pas ça, hein. Il y avait le truc qui sortait aux États-Unis, déjà on allait chez le disquaire en disant tiens, tu peux pas essayer de nous avoir ça. Donc le temps qu'il le commande, 3 semaines après on allait le chercher, et puis on était tout content d'aller le chercher, on dépensait notre argent, on revenait avec le vinyle, on le posait sur la platine, on l'avait mérité, on l'avait attendu. Et c'est vrai que il y a aussi une chose que les gens se rendent pas compte, c'est que quand on écoute un album, moi je me souviens, tout à l'heure je pensais à l'album de Cure, je me souviens plus le titre, mais que j'ai écouté en boucle, et c'est vrai que les morceaux, on sait la suite, on sait le temps qu'il y a entre deux morceaux. Ouais. Que dans une platine laser, d'un lecteur à l'autre, on peut avoir une petite différence, parce que finalement, l'enchaînement est fait là, non, c'était vraiment des pistes qui sont lues, donc il y a un nombre de pistes entre les trucs, donc on peut pas tricher, le temps est toujours le même. Ouais. Et donc, c'est des choses que les gens, ils se rendent pas compte, mais on avait l'habitude d'écouter d'une certaine manière, quoi. Donc, Et puis on l'écoute dans l'ordre. Dans l'ordre. Les chansons, elles sont placées dans un certain ordre, parce qu'il y a une suite logique dans les chansons, parce qu'elles vont mieux ensemble, alors que sur un CD ou autre, on peut les écouter dans n'importe quel sens, quoi. Ouais, je me souviens quand c'était sorti, le CD était sorti, c'était révolutionnaire. On peut les écouter dans n'importe quel ordre, on peut les programmer à l'avance, on peut les écouter 10 fois. Ah, c'était formidable. Mais finalement, aujourd'hui, tu vois, on revient un petit peu en arrière parce que la manière d'écouter n'est pas la même. Hein. Voilà, tout simplement. Le morceau qu'on va écouter juste après, c'est un morceau qui s'appelle Bloody Hell. Oui. Donc l'enfer sanglant. alors Bloody Hell, ça veut dire c'est pas vraiment l'enfer sanglant, c'est plutôt l'ennui mortel. L'ennui mortel. D'accord. OK, donc voilà. c'est un Alors c'est un morceau qui a été composé en 3 heures. D'accord. Un dimanche après-midi. Mm-hmm. Ça devait être je crois ça devait être au mois de novembre ou au mois d'octobre, un dimanche après-midi où il pleuvait. Et le morceau, il a été fait comme ça, en 3 heures, musique et paroles, tout fait. C'est-à-dire, au bout des 3 heures, le morceau, il était enregistré. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est l'avantage qu'on a, si tu veux, qu'on a les instruments, qu'on est multi-instrumentiste, c'est qu'on peut très bien penser à quelque chose, le réaliser, et puis si tout se déroule bien, tout aboutit bien comme il faut, ben au bout de quelques temps, ben l'enregistrement est fait, tout ça. Donc voilà. C'est le gros avantage d'avoir aussi un studio à la maison. C'est ça. Très bien. Et puis après, on écoutera Loving Destruct. Et on en parlera après. Oui. On fait comme ça. C'est parti. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. Ce soir, ben, une superbe découverte, le groupe Glazone, le projet Glazone, on va dire ça comme ça, parce que c'est à la fois une personne qui compose, qui est l'auteur des textes, qui enregistre, qui fait tout, quoi, qui joue tous les instruments. C'est un groupe d'une personne. D'une personne, mais effectivement, c'est aussi un groupe, puisque régulièrement, lorsqu'il y a un concert, donc tu t'entoures d'autres musiciens. Oui. Et là, maintenant, c'est carrément un groupe, hein, donc une basse, deux guitares, une batterie, une vraie. Est-ce qu'il y a encore la boîte à rythme qui revient, ou c'est que la batterie maintenant? Non, c'est que la batterie. La boîte à rythme, elle sert juste pour les enregistrements. Pour les enregistrements, très bien. En fait, tous les rythmes qui sont faits sur les morceaux sont faits avec une boîte à rythme. D'accord. J'essaye en fait de... Je travaille la boîte à rythme comme si je travaillais une batterie. C'est-à-dire que chaque pad est fait à la main avec chaque, charleston, chaque caisse claire est posée comme j'ai envie qu'elle soit, quoi. C'est vraiment... D'accord. Et je n'ai pas de formation de batteur. D'accord. Alors justement, quand il y a un batteur qui vient, il reprend exactement de la même manière. La même chose, ouais. Ouais, il modifie pas légèrement par rapport. Si, bah, inconsciemment, il le fera toujours un petit peu. Oui, il le modifie, oui. Parce que bon, comme sur une boîte à rythme, on peut faire, on peut taper sur quatre choses en même temps. Oui. Alors qu'on a que deux bras, donc forcément. Quand il y a deux bras, c'est plus compliqué. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Des fois, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même des batteurs qui sont capables de faire des choses. Des fois, on les regarde, on dit, mais attends, je comprends rien ce qu'il nous fait là, mais voilà. Il nous fait un truc super génial. Et il y en a qui sont très forts, hein, effectivement. Donc, voilà, comment ça fonctionne. Là, on a écouté, au lieu de deux morceaux qu'on avait prévus, on en a écouté un troisième, hein. On s'est dit, allez, hop, on y va. Maximum de musique dans l'émission Mavrika. Ce soir, c'est un peu la Cold Wave. On va dire c'est ça comme ça. Les trois morceaux là sont un peu plus, ils sont un peu plus gothiques, un peu plus post-punk et gothiques. Mm-hmm. D'accord. Alors là, on a écouté plusieurs morceaux. Je suis en train d'essayer de retrouver les titres. Donc, on avait écouté Bloody Hell, Loving Destruct. Et à l'instant, c'était la seconde, mais la seconde était très longue puisqu'elle durait presque 8 minutes. Oui. Hein. Donc un morceau très long, mais comme tu disais, c'est un morceau qui s'écoute très bien parce que finalement, déjà, ça reste cool quand même. C'est pas un rythme de dingue, c'est quelque chose qui s'écoute tranquillement. Et en plus, elle a une introduction, elle a une partie chantée. Voilà, une partie chant et puis un solo. Une descente en fait. Mm-hmm. On pense arriver à descendre au niveau du chant, qu'on pense avoir atteint un niveau assez bas, mais non, pour montrer qu'on peut encore descendre un petit peu. Alors, tout à l'heure, tu nous avais parlé de fin du monde, Last Second, c'est un peu ça, non? C'est un peu ça, oui. D'accord. C'est un peu une vision apocalyptique. D'accord, ouais. Voilà. Mais ça va aussi avec le style, hein. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait ce petit côté un petit peu. Voilà, ouais, c'est. Oui, un peu fin du monde, ouais. Oui, et puis je me souviens aussi, il y avait les codes vestimentaires, il y avait les cheveux un petit peu en l'air, quand on voit par exemple Robert Smith, les hommes maquillés, habillés en noir, souvent presque tout le temps, les cheveux des fois colorés, très noirs aussi, il y avait à la limite bleu. Des vêtements déchirés. Il y avait du cuir, du barésie, des boucles d'oreilles, des tatouages, du maquillage bien noir avec les yeux bien charbonneux. Ça correspondait à une époque. C'est un rôle aussi. Hein. Il faut savoir que les artistes, c'est un peu comme un acteur de cinéma. Ils jouent un rôle et puis sur scène, ils sont comme ça. En dehors, pas forcément. Quoi qu'il y en avait aussi, qu'ils se battaient un petit peu dans la rue parce qu'ils étaient vraiment dans leur truc. Hein. Mais à cette époque-là, il y avait pas mal de choses. Je me souviens, il y avait aussi des néo-romantiques. Ce côté, on mettait tout dans la New Wave à l'époque parce que la New Wave c'était très large. Et donc eux, ils s'habillaient plus très élégants, à la limite dandy, les cheveux longs bouclés, des foulards, des plein de choses comme ça, des fleurs. Donc il y avait des codes vestimentaires suivant la musique qu'on écoutait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu parce que avant on voyait par exemple ceux qui faisaient du hard rock, ils avaient les cheveux longs, ceux qui faisaient du punk, ils avaient la crête. En fait, chaque style avait son image. plus qu'aujourd'hui, parce que c'est un peu drôle. On va par exemple voir un groupe de hard rock et puis on voit des gens qui sont avec du cheveu court, qui n'ont rien de particulier. Voilà, on va voir des punks, j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps. Bah, la crête, pratiquement plus personne ne porte. Il y a moins de codes que cette époque-là. À l'époque, on savait à la manière dont les gens s'habillaient. Qu'est-ce qu'ils écoutaient. Voilà. Il y avait le style, voilà. Moi, j'écoute ça, tu vois. Voilà. Donc, c'était marrant. Les gens étaient plus. C'était marrant. Je pense que ça correspond à une époque. Et aujourd'hui, ben, on peut toujours écouter cette musique-là. Il peut forcément être habillé en noir. D'ailleurs, ce soir, tu t'es pas maquillé pour venir dans l'émission, donc voilà. Non, puis je me maquillerai pas. Très bien. Voilà. Non, mais c'était un petit truc pour expliquer, parce que c'est vrai que nous, qui avons vécu un peu cette époque-là, on s'en souvient très bien. Mais aujourd'hui, ça peut surprendre un petit peu. Hein, voilà. Et juste avant, c'était Loving Destruct. Donc c'est une fameuse histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais qui finit mal. Qui finit mal, voilà, parce que effectivement, ça peut faire beaucoup de bien, mais c'est un peu le principe de la veuve noire. D'accord. Ah ouais. Donc la femelle qui tue le mal. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, les veuves noires, des fois on en parle aussi dans les trucs de crime. Hein. On sait que c'est des fois les femmes qui se marient avec des personnes et puis qui les font disparaître simplement pour essayer de prendre l'héritage ou des choses comme ça. Donc ça s'appelle aussi comme ça, les veuves noires. Ouais. Très bien. Donc des sujets différents, mais un côté toujours un petit peu sombre. Ça fait partie du style. Très bien. J'aimerais bien aussi parler. Donc, tu as un studio chez toi, tu enregistres. Est-ce que quand tu joues, tu enregistres toujours? Parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils sont toujours en enregistrement. Et puis, ils jouent des trucs, et puis ils gardent pas. Non, pas forcément. Ou non, des fois, tu joues comme ça, et après, tu dis, là, c'est bon, là, je le tiens. Voilà, Okay. Non, je suis pas toujours en train d'enregistrer. Non. Et après, donc, il faut enregistrer. Moi, j'imagine que tu fais des pistes une par une, puisque tu es le seul musicien. Donc, souvent, c'est peut-être la batterie d'abord, la basse, la guitare, batterie. Ce qui est normal, enfin, mais des fois, il peut y avoir des exceptions. Hein. Tout dépend. Mmh. En fait, tout dépend ce que j'ai comme matière. Si j'ai une ligne de basse, j'enregistre d'abord la ligne de basse pour avoir au moins un minimum de tempo pour pouvoir après mettre une batterie. Mmh. Après, une batterie, je mets juste la batterie la plus basique possible. Et puis pour pouvoir déjà avoir un rythme et puis déjà commencer à mettre quelque chose en place. D'accord, c'est une construction qui se fait petit à petit. Et c'est vrai que dans ce style de musique-là, la basse a une importance phénoménale. C'est quand même la base, on peut dire ça comme ça. Très bien. Et après, donc, au niveau des mixages, comment ça se passe? C'est des heures et des heures de mixage ou est-ce que... C'est long. Est-ce que des fois tu tombes sur le bon truc tout de suite et d'autres fois t'as plus envie de rechercher, peut-être pas simplement mettre les instruments, mais aussi les mettre dans un espace différent, entre la droite et la gauche, enregistrer c'est facile. C'est après que c'est dur, parce qu'après il faut que chaque instrument ait la bonne hauteur de son. Donc là, bon, maintenant que, à force, j'ai tous mes réglages qui sont faits. Donc, quand j'enregistre la batterie et la basse, j'ai quasiment plus besoin d'y toucher. Je sais déjà j'ai déjà les niveaux. Mais après, pour mettre les guitares, laquelle va être à droite, laquelle va être à gauche, laquelle va être plus fort. Le placement dans l'espace, parce que c'est quand on écoute aujourd'hui, on n'est plus en mono, on est en stéréo, donc on a deux oreilles. Et puis, il faut aussi calibrer un petit peu tout ça. Et puis, ça donne aussi. Quand on écoute, ça donne une présence, et ça, c'est pas toujours évident. Et puis en plus de ça, on écoute plusieurs fois. Oui. Donc au bout d'un moment, même si on voit des défauts, on s'y habitue. Ouais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, ouais. En fait, il faut pas toujours écouter. Des fois, il faut laisser le morceau de côté pendant 15 jours, 3 semaines. Et le reprendre. Et se réimprégner à nouveau. Voilà. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai la même. Le plus long, c'est la fin, quoi. Mmh. Parce que si on veut vraiment sortir quelque chose et tout ça, on va le faire. On a l'impression que c'est bien. Et on va le réécouter deux ou trois jours après. On dit non, finalement, j'aurais pas dû faire comme ça. Aujourd'hui, je ferais déjà différemment. Donc, ce qu'il faut, c'est laisser mûrir. Parce que finalement, on peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Un morceau, quand on l'enregistre, il y a un moment, on a toujours envie de rajouter quelque chose aussi. Mmh. Donc on dit, ah ouais, ça serait bien si je rajoutais ça, ça serait bien si je rajoutais. Pendant un moment, ça a été ça. Et puis, au bout d'un moment, il faut savoir se dire stop, le morceau c'est bon, hop, il a tout ce qu'il faut, on arrête là, parce que sinon, morceau, on peut le faire Je me rappelle de quand j'avais commencé à travailler sur Time, et je dois avoir 5 ou 6 versions différentes de Time, avec des sons différents, enregistré différemment, soit c'est la batterie qui commence, soit c'est la basse qui commence, soit c'est la guitare qui commence. Est-ce que je le fais rallonger? Est-ce que je rajoute un solo? Est-ce que je... à chaque chose que tu fais, c'est des questions que tu te poses. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et voilà. J'essaye et ça va pas. Et non, je reviens en arrière. Oh, finalement, oh, je vais encore aller plus loin. Voilà. Et donc on recommence et on recommence et on recommence. Et c'est un truc où finalement on arrive vite à saturer si on veut vraiment se forcer à faire les choses. Donc des fois il faut se dire, allez hop, j'ai fait ça, c'est pas mal. On va laisser un petit peu. Je vais faire autre chose et hop, je reviens. Ah oui. Et le fait de travailler tout seul aussi. Est-ce qu'il y a un avantage, c'est que parce que j'ai aussi eu pendant un moment j'avais un projet où on était à deux, où on composait à deux, et en fin de compte, on n'a pas du tout des fois la même vision du morceau. Et moi, j'ai des morceaux quand avec la personne avec qui je travaillais, je lui proposais, il me disait ah ouais mais moi le morceau je le vois pas comme ça. Et là, ça remet tout en question et mince, est-ce qu'on le refait différemment? Est-ce que le mien va être meilleur que le sien? Est-ce que... Et là, c'est... Ouais, non, mais c'est, j'imagine que c'est pas évident. Et effectivement, si et c'est après, ton projet... on laisse le morceau de côté et on n'y touche plus. Si c'est ton projet à toi, t'as envie de le faire d'une certaine manière. Mais après aussi, c'est le concept du groupe. Hein. C'est-à-dire que chacun amène un petit peu sa patte et on peut aussi construire quelque chose de différent. Et moi, je vois aussi des musiciens qui jouent dans plusieurs groupes différents. Et ils font pas du tout la même chose d'un groupe à l'autre. Pourquoi? Parce que avec les gens avec lesquels ils travaillent, ben ils travaillent pas de la même manière, ils ont pas les mêmes influences. Et voilà, donc chaque groupe a un petit peu sa petite couleur grâce au mélange des styles des gens, quoi. Mais toi, c'est quand même ton projet à toi, c'est toi qui l'as fait mûrir. C'est vrai que t'as envie quand même de garder la main dessus. Et puis même si les autres peuvent apporter des choses, hein, des fois c'est enrichissant aussi. Mais bon, c'est toi qui veux choisir. Quoi. Ah oui, en concert comme ça, on essaye de. Je leur demande d'apporter 2-3 petits trucs en plus, de rallonger un peu le morceau, améliorer un peu les choses. Mais après, oui, dans l'ensemble, j'essaye de garder un maximum de contrôle. Ouais, je suis en train de regarder au même temps, parce qu'on a écouté plusieurs morceaux déjà des Glazones, mais là je me suis dit, tiens, ça serait peut-être l'occasion aussi de parler un petit peu de tes influences, parce que tu m'as apporté une cinquantaine de morceaux, on n'aura pas le temps d'écouter tous les morceaux, mais y en a certains qu'on peut caler tout de suite, c'est ce que j'étais en train de faire d'ailleurs. Tu veux nous présenter, par exemple, les morceaux qu'on avait proposé de caler tout à l'heure? Alors, c'était Bleach. Bleach. Alors Bleach, et le deuxième, c'est Nets Atomic. C'est ça, tout à fait. Oui, alors, c'est des groupes du fin des années 80. D'accord. Début des années 90, c'est des groupes de shoegaze. D'accord. Et de noisy. Le premier, c'est un groupe de shoegaze, et le deuxième, un groupe de noisy. C'est des groupes anglais, ils ne sont pas très connus. Mais c'est vraiment des morceaux qui, enfin des groupes qui m'ont vraiment interpellé dès que je les ai écoutés. J'ai dit, mais moi je veux faire ça. D'accord. Ben, c'est vrai que là, moi pour l'instant je les ai pas écoutés. Tu m'as apporté les morceaux. Je suis en train de les caler là sur le lecteur. Et moi les noms me disent rien du tout. Mais je vais justement écouter. Ça se trouve ça va me dire quelque chose parce que c'est peut-être des choses que j'ai écoutées à une époque et qui après sont un petit peu tombées dans l'oubli. Et puis des fois ça fait aussi du bien de les redécouvrir. Bon, on va pas dire combien d'années plus tard, mais plusieurs décennies quand même. Voilà. Donc, on écoute tout de suite ces deux morceaux, et puis après, on en reparle. Et puis, s'il y a d'autres influences qu'on a envie d'écouter après, il y a de quoi faire. On peut faire une deuxième émission. Hein, ces jours, il va falloir que tu reviennes. Trois. Oui. Bah, il faut pas hésiter. Hein, tu reviens quand tu veux dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et puis on continuera. De toute façon, moi, j'aime bien quand les gens viennent dans l'émission, et quelques temps après, ils me contactent en me disant voilà, ça. Quelques mois ont passé, ce serait bien qu'on revienne, qu'on refasse une émission, et c'est toujours un plaisir. Au contraire, je trouve que c'est encore mieux parce que finalement, l'émission Mavrica, ça permet de se connaître et puis d'apprendre des nouvelles choses et puis de suivre une aventure. C'est une nouvelle aventure. Donc, le groupe Glazones qui existe depuis 2017, et ben on va continuer à le suivre et puis à voir l'évolution et puis à découvrir les nouveaux morceaux. Donc on écoute les deux morceaux qui t'ont influencé et puis on se retrouve juste après. groupes différents. Donc on a écouté Bleach avec First et pas Second, comme j'avais marqué. C'était juste avant, c'était Last Second de Glass Zone. Et à l'instant, donc c'est Ned's Atomic Dust Bin avec Kill Your Television. Voilà. Donc deux morceaux qui font partie des groupes qui t'ont influencé. Voilà, à une certaine époque, donc ça date de fin 80, début 90. Ouais, toute la période. Avant le, c'est une période un petit peu avant le grunge, avant l'arrivée du grunge en France. D'accord. C'est vraiment la période avec, il y avait pas mal de groupes comme Slowdive, Ride, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que... Il devait y avoir Lush, je crois aussi. Pas mal de groupes, en fait, de, c'était ce qu'on appelait à l'époque la noisy, le shoegaze et la noisy. Il y avait My Bloody Valentine's aussi. Oui, oui, c'est vrai que tu me parles de plein de noms comme ça qu'on entendait à une certaine époque et qui aujourd'hui sont un petit peu tombés dans l'oubli, mais c'est bien justement de rappeler dans cette émission Maverick, on redécouvre plein de morceaux. Et c'est vrai que tu m'en as amené tellement, là je regardais, il va falloir qu'on fasse un tri parce qu'on va pas pouvoir tout passer. Mais, et même dans les morceaux de Glass Zone, je pensais pas qu'il y en avait autant diffusé, donc il va falloir que tu reviennes dans quelques temps pour reparler du groupe et prendre le temps d'écouter aussi des morceaux. Alors ce que je peux faire aussi, c'est que là tous les morceaux qui sont ici, justement tu me les as envoyés hein, de manière à préparer l'émission. Donc dans les prochaines émissions, je passerai de temps en temps de Glass Zone, comme ça on découvrira les différents morceaux. Parce que c'est vrai que j'aime bien aussi passer souvent un morceau, le mettre plus en valeur. Est-ce que t'as un morceau que t'as envie de mettre plus en valeur que tous les autres? De Glass Zone? Ouais, de Glass Zone, ouais. Non, c'est pas, difficile de choisir, hein. Non, j'en ai pas. C'est tous tes petits bébés, donc forcément, tu les défends tous. Et voilà, après, tous c'est suivant l'humeur, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ce qui est bien aussi dans la musique, c'est que il faut une musique pour chaque humeur, et ça serait dommage qu'il n'y ait qu'une seule musique. Donc, on peut écouter plein de choses différentes, et puis, suivant l'humeur, on va préférer plutôt une chanson cool, ou alors une chanson qui énerve un peu plus. Voilà, c'est important d'écouter plein de choses différentes. Très bien. Là, il nous reste encore plein de morceaux à écouter. Donc, le prochain morceau qu'on écoutera, on revient à Glass Zone avec un titre qui s'appelle Dream of Deception. Tu veux nous en parler un petit peu de ce titre-là? Non, il n'y a rien de particulier. Non, rien de particulier. Non, c'est juste une histoire de rêve déçu. Ouais, voilà. Voilà, c'est simplement ça. Il n'y a rien de personnel dans les chansons, donc. Oui, mais ça, je pense que tout le monde peut justement penser à sa propre vie, voilà, etc. C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on a tous eu des rêves qui ont été finalement, on s'est dit tiens, j'avais ce rêve-là et finalement j'ai jamais concrétisé. En fait, voilà. C'est plus dans le genre de j'aimerais faire ça, et le jour où ça arrive, en fait, on est déçu. D'accord. On s'imagine plein de trucs. Hop, on se dit ah moi je rêve que je vais faire ça, je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, le jour où ça arrive vraiment, on s'aperçoit que c'est. Ouais, finalement, c'était pas ce qu'on c'était avait pas imaginé. Du tout ce qu'on avait imaginé, ouais. Et ouais. On est déçu. En fait, c'est un peu ça en fait. D'accord. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense que tout le monde a déjà eu à rêver tellement d'une chose et puis finalement c'est passé. Du ouais, finalement ouais. Voilà. Bon, sans plus. Mais bon, ça fait partie de la vie. Et puis inversement, il y a aussi des choses qu'on n'attend pas dans la vie. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, aujourd'hui, ça va être une journée comme une autre. Et puis, c'est une journée exceptionnelle qu'on se souviendra de sa vie parce qu'il va se passer un événement. Voilà, donc il y a les deux choses. Mais bon, là, tu as insisté sur le côté un petit peu sombre. Voilà. Voilà. Cold wave. Très bien. Est-ce que tu as d'autres projets? Parce que là, on a parlé de concerts, donc il y en aura un Clermont-Ferrand, c'est ça? Ouais, Clermont-Ferrand, oui. Donc pour ceux qui veulent y aller, tu peux rappeler la date et puis. C'est le 12 mai. Au Photomat. Photomat, d'accord. C'est marrant d'écouter. Photomat, c'est quoi? C'est une salle de concert? C'est une salle de concert, oui. D'accord. C'est marrant parce que dans les villes, on connaît un peu les salles de concert. Et puis quand on est sur des villes d'à côté, on ne connaît pas forcément. Mais c'est marrant d'écouter au Photomat. Donc, voilà, c'est pas très loin, c'est à 2h30. Ouais, 2h30. 2h30 de route. Ça se fait. Hein. Il y a des gens qui font beaucoup plus de kilomètres. Ils vont même à l'étranger pour voir tel ou tel groupe. Donc voilà, si vous avez envie de voir Glassdoon, vous pouvez aller là-bas. Donc à Clermont-Ferrand. Et donc, on va attendre les prochains concerts pour ceux qui veulent pas trop se déplacer dans la région orléanaise. Dans la région orléanaise. Alors, j'essaye d'en prévoir un à partir de septembre avec un groupe qui vient du Touquet. D'accord. Mais pour l'instant, on n'a pas de date, on n'a rien du tout encore qui est fait. Ouais, c'est en préparation. Là, c'est une idée. Là, j'essaye de voir aussi pour en faire un sur Rouen. Ah ouais, quand même, tu vas dans d'autres villes. Ah oui, oui. Ouais, tu te déplaces facilement. Oui, oui, oui. Peut-être une tournée européenne. Ben là, au mois de septembre, on a fait 4 dates septembre 2022, on a fait 4 dates en Belgique. D'accord. Très bien. On n'a pas trouvé plus près, donc. c'est sympa, la Belgique aussi. Donc, ah ouais, c'est. Mais voilà. Ça s'est fait vraiment par hasard. En fait, c'est un jour, quelqu'un qui m'a contacté, qui a écouté un de mes morceaux. Qui a adoré, et il m'a contacté, et puis en fin de compte, en discutant comme ça, il m'a dit, moi, j'organise des concerts j'essaye d'organiser des concerts pour des groupes, tout ça, machin, et puis il avait un groupe polonais qui cherchait un groupe pour les accompagner, pour faire des dates en Belgique, et là, il m'a proposé d'aller là-bas. D'accord. J'ai dit, oui. Ah, impeccable. Donc, comme quoi, la musique, il n'y a qu'un seul langage, hein, qu'on soit polonais, qu'on soit de n'importe quel pays du monde, et ben, quand la musique, c'est un langage commun et tout le monde se comprend. Voilà. C'est ça le plus important. Et en Belgique, j'ai aussi fait venir les Drive to Amnesia et les Yeti. D'accord. Ah d'accord, donc comme quoi. Voilà. Très bien, les Yeti aussi, tout à l'heure on en parlait aussi, qui font partie aussi du prochain Mavrika Live. Hein. Donc le 10 juin à la grande salle de l'espace Bérère, il y aura le groupe Yeti, il y aura les Customs qu'on a écouté tout à l'heure, il y aura Melody Road, et en interplateau, il y aura notre ami Alexandre Lebaille. Tu connais ces artistes-là? Pas du tout. À part Yeti. À part Yeti, le reste. Voilà. Et il y en a énormément des musiciens. Et moi, après presque, ça va bientôt faire 13 ans que je reçois des artistes dans l'émission. Donc je m'intéresse à tous les artistes de la région. J'en connais beaucoup. Mais il y en a encore beaucoup que je découvre. Hein, et ouais. Donc c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, c'est la preuve. Hein, c'est qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Là, on avait déjà échangé un petit peu. Mais on découvre donc le groupe Glassdoon dans l'émission Mavrika. Donc aujourd'hui, ça sera un des groupes qui fait partie de la Mavrika's Family. Voilà. Très bien. Donc, et en plus, dans ce style-là, c'est vrai que tout à l'heure, tu m'as dit, voilà, il y a quelqu'un qui a écouté cette musique, ta musique sur Bandcamp, je suppose. Hein, oui. Et ça devait correspondre justement à ce qu'il cherchait, parce que finalement, c'est un style qui lui convenait exactement. Quoi. C'est ça le truc. Et comme on cherche par exemple un groupe de rock. Rock and roll, on en trouve beaucoup, des groupes de blues, on en trouve beaucoup, mais dans ce style-là, effectivement, il n'y a peut-être pas énormément de projets disponibles. Pas beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets, justement, que tu voudrais faire, des clips vidéo, d'autres enregistrements, peut-être? On va peut-être faire si le son est bon et tout, on va peut-être essayer d'enregistrer le concert au Photomat, donc, pour faire avec les musiciens de scène, de faire quand même quelque chose ensemble. Mmh, après, ouais. Rentrer en studio, c'est moins... Il y a moins de... Comment dire, vaut mieux, en fait, avoir une trace live, quoi. C'est l'instant présent, ça rappelle un moment présent, ouais, c'est un instantané, c'est comme une photo, voilà, et voilà, on la prend, et puis et voilà, ce moment-là, on le revivra jamais dans notre vie, voilà, mais il est immortalisé. C'est ça ce que je veux faire avec eux, donc d'accord, c'est vrai que le live, c'est ça le truc, c'est il y a le contact avec le public, on a la réaction immédiate, c'est pas comme En studio, on imagine ce que les gens vont comment ils vont percevoir le morceau. On essaie de leur parler, leur faire passer l'émotion et tout ça. Et après, eux, ils le reçoivent, mais on a un décalage immense. Et puis, on se rend pas forcément compte. Hein, ça se fait à distance. Alors que quand c'est sur scène, ben, on voit le regard des gens. Tout à l'heure, j'ai eu Christophe du groupe Prisma qui me parlait du Creekfest. Il m'a dit, voilà, moi, mon premier... Le salaire de tout le travail que j'ai eu, c'est déjà de voir le sourire dans le visage des gens. Et c'est vrai que quand on va à un concert et que ça nous plaît, ça se voit dans la tête des gens. Et c'est quelque chose qui est formidable, quoi. Donc, et ça, c'est la chose la plus importante. Après, bon, il y a toujours le côté financier, il y a toujours, réussir un concert, c'est réussir à capter les gens et puis à faire un échange d'émotions. C'est le plus important. La musique, elle est là pour ça. Hein. Voilà. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Très bien. Donc, après, je voulais aussi savoir, tu enregistres chez toi, mais comment ça se fait que, après, comment tu arrives au produit fini? Donc, qui c'est qui fait la pochette? C'est toi aussi qui l'a fait la pochette? La pochette, c'est moi, c'est des photos. D'accord. Donc, voilà, la pochette que j'ai, elle est abstraite. Hein. C'est vrai que c'est du noir avec des petits filets, des dégradés de gris, ça va presque jusqu'au blanc. Après, il y a aussi l'enregistrement. Donc, tu fais presser Je fais presser. Le pressage, c'est la seule chose que je ne fais pas. D'accord. Tu fais aussi le mastering. Le mastering, tout. Tu fais tout dans. Ah oui, C'est vrai que c'est c'est hallucinant parce que à chaque fois, même les gens ils disent ouais le mix, je fais le mixage. Par exemple, Christophe qui a un studio aussi, il m'a parlé, il dit moi je fais le mixage, mais le mastering non, je le laisse à quelqu'un d'autre parce que voilà. Et toi, tu vas d'un bout à l'autre, la composition, tu imagines déjà le son, tu vas le rechercher, tu vas une fois que tu l'as, tu vas le capturer pour qu'il soit le moins dégradé possible par rapport à ce que ton idée de départ. Ah oui, c'est tout un truc, tout un cheminement. Mais le fait que ce soit la même personne qui fasse tout. Peut-être justement, ça correspond exactement à ce que tu veux. Parce que finalement, quand ça passe par les mains de plein de gens, ça a beau être embelli, mais finalement, chacun rajoute petite... Voilà, c'est ça. D'accord, bon, c'est deux travaux différents, mais bon, à la limite, voilà, et pourquoi pas. Hein. Très bien. Donc voilà, cet album-là, il est disponible au concert, il est disponible sur Facebook, voilà. On peut te contacter, et aussi sur Bandcamp. Sur Bandcamp, et aussi il est en écoute sur Spotify, YouTube, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, très bien, donc impeccable. Il n'est pas distribué dans des magasins la région, non, c'est vraiment, c'est toi-même tu t'occupes de tout. Très bien, et en plus c'est un album, là je regardais... souvent dans les albums, il y a plein de choses, des petits détails, des dates. Là, il y a juste Glass Zone, The Other Side, et les titres des morceaux. Voilà. C'est donc c'est très épuré. Ça fait partie du style, du concept de ton projet, quoi. Voilà. Très bien. Bon, ben voilà. on écoute encore un peu de musique parce que là, finalement, on est en train de parler beaucoup et on a plein de morceaux encore à écouter. On va continuer avec le morceau suivant. Le morceau suivant qui s'appelle je sais plus où on en est. Dream of Deception. Voilà, on l'avait présenté mais on l'a pas encore écouté, donc on va l'écouter tout de suite et après on peut enchaîner sur le suivant ou tu veux en sauter quelques-uns parce qu'on aura peut-être pas le temps. On va mettre après le As Darkness Falls. D'accord, ok. Bon, on va partir tout de suite avec Dream of Deception et on enchaîne avec As Darkness Fall. Ouais, moi, je parle très bien l'anglais, mais les Anglais me comprennent pas. Le problème est là. Voilà, on écoute donc ces deux morceaux et puis on se retrouve après dans l'émission Mavrika avec notre invité aujourd'hui, c'est Judy qui nous parle du projet Glass Zone. On découvre tout l'univers de Glazone et on va pas le découvrir en entier puisque de toute façon il y a plein de morceaux à écouter. Judy qui est là ce soir pour nous présenter son projet est très productif et puis depuis 2017 il y a eu pas mal de morceaux. Donc ce soir on n'aura pas le temps de tous les diffuser. Par contre on a fait une petite sélection pour les derniers qu'on va diffuser dans l'émission Mavrika ce soir. Et puis après je les aurai sous la main et on pourra continuer à découvrir dans les prochaines émissions régulièrement. Voilà, j'ai des invités. Et il y a aussi des fois où il n'y a personne dans le studio et j'en profite pour balancer le maximum de musique parce que chaque artiste m'apporte beaucoup de musique et j'en ai des tonnes à l'appel. Donc ce soir on va découvrir encore des morceaux de Glazone. Et justement on était en train de discuter pendant qu'on écoute la musique, on discute aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors des fois il y a des choses qu'on dit comme ça off et qu'on aimerait bien aussi partager avec les auditeurs. C'est on parlait un petit peu de la technique, voilà, du matériel utilisé. Et et toi Judy, tu utilises quoi comme matériel? Tu travailles avec des je te demandais si tu avais des pédales ou est-ce que c'est avec des, aujourd'hui on peut tout simuler sur un ordinateur ou sur des racks spéciaux, mais toi tu travailles encore à l'ancienne avec des... Moi je tout à l'ancienne avec que des pédales Boss. D'accord. Alors, je sais pas si on peut citer des marques, mais Il va falloir en citer 36. Moi, je suis un D'accord. pro des pédales Boss et la plupart de mes pédales en plus sont des pédales des années 80. Ouais, parce que finalement, j'utilise des Chorus, Flanger, Phaser, des distorsions, enfin des distorsions ou des overdrive qui ont été faits plutôt dans les années 90, ceux-là. C'est la plupart de mes pédales n'existent plus d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment des trucs vintage. Et puis quand je cherche une pédale, je sais quelle pédale je veux. Ouais, tu as déjà l'idée du son. Je sais déjà tout le son de la pédale, donc. D'accord. Bah voilà. Donc après, c'est marrant parce que les gens qui sont pas musiciens se rendent pas compte de ça, mais ça a une importance phénoménale. Il y a des gens qui passent leur temps à changer de guitare parce qu'il leur manque quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et après, ils vont vers, ils trouvent une direction et puis ils en essaient plusieurs. Et un jour, ils tombent sur la vraie guitare avec la vraie pédale, l'ampli aussi. Ça a beaucoup d'importance. Hein. Quand on fait des concerts, par exemple, on peut mettre une batterie en commun, on peut mettre un ampli basse en commun. Mais les amplis de guitare, souvent les guitaristes ont chacun le leur. C'est ça. On change pas parce qu'il y a des lampes, parce qu'il y a c'est un transistor, parce qu'il y a des effets intégrés dedans, parce que voilà, chacun a son truc. Et puis par rapport à chaque guitare aussi, il y a un son qu'on veut sortir. Par exemple, il y a des groupes anglais qui veulent tel ampli anglais. Voilà. Il y a des groupes américains qui veulent plutôt le son américain. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Suivant le style qu'on fait de la pop ou du blues ou du rock and roll, ben on n'a pas exactement les mêmes instruments, quoi. Donc voilà, tout, on parlait de ça. Et voilà. Donc toi, tu as un ampli. Un ampli à transistor. Tout ce qu'il y a de plus basique. Avec le minimum. Il n'y a pas de modélisation, il n'y a rien du tout. Modélisation, il y a le moins de réglages possible. Et c'est très bien comme ça. Voilà, des fois, ouais, c'est, on va chercher vraiment Après, les instruments font aussi le son. Hein. Mm-hmm. Parce que suivant le morceau que je vais faire, je vais utiliser tel ou tel instrument. D'accord, donc toi, tu as plusieurs guitares, plusieurs basses. Voilà. Alors, en général, j'utilise une Fender Jazzmaster. D'accord. Ou une basse 6. D'accord. La basse typique des années 80 des Cure, quoi. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est pas tout à fait une guitare. C'est trop gros pour une guitare. C'est trop petit pour une basse. C'est vraiment un intermédiaire. Un intermédiaire. C'est ça, d'accord. Ce qui fait, on a l'impression sur certains morceaux qu'il y a deux basses. Oui, bah oui, c'est. Donc c'est deux basses qui sont. Enfin, une basse qui. Voilà. Ouais. Et en fait, non, c'est parce qu'il y a. C'est une basse 6. En fait, c'est un peu une basse baritone. D'accord. Ah bah tu vois, je savais pas, j'apprends plein de choses. Hein. Moi, je suis pas musicien moi-même, donc j'aime bien justement m'entourer de personnes qui parlent beaucoup mieux de la musique que moi, et surtout le côté technique. Parce que moi, c'est vrai que j'apprécie la musique par rapport à l'émotion qu'elle procure. Mais après, je n'analyse pas. Je suis pas musicien. Et c'est peut-être un avantage aussi, parce que quand on est musicien, on est toujours en train d'analyser les trucs des autres. Et finalement, des fois, on met de côté un petit peu l'émotion. Et c'est un petit peu dommage. On parlait tout à l'heure avec Christophe aussi à propos des photos. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire des photos dans les concerts et tout ça. Et des fois, on est photographe et puis on prend des photos et on essaie de prendre des situations un peu particulières et tout ça. Et des fois, on reste bouche bée devant le spectacle et on oublie de prendre la photo. Comme quoi, parce qu'on est dans l'émotion plus que dans la technique. Voilà, il y a ce côté-là aussi qu'on aime bien faire ressortir. Je crois que pour la musique, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, ça résume bien ce qu'on disait jusqu'à présent. Voilà, donc au niveau du matériel, tu utilises ça et après tu as ton studio à la maison, donc voilà. tu fais le mixage. Un studio très simple. Hein. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Très simple. Un ordinateur et une carte son et hop, c'est parti. Voilà, donc tu crées des pistes, voilà. chaque piste et après tu les mixes. Et après c'est tout le travail des effets, les effets sur le mastering, les equalizers, les compresseurs. Et là c'est un peu plus technique. Là il faut chercher un peu plus loin. C'est ce qui prend beaucoup de temps. Ouais, parce que là effectivement le son, pour marier le son entre une guitare et une basse, donc voilà, disons, ils sont déjà pas sur la même fréquence, donc ça arrive assez bien. Quand il y a deux choses qui sont sur la même fréquence, c'est un peu plus compliqué, et donc on utilise pas mal de choses pour justement les différencier un petit peu, pour que ça se marie beaucoup mieux, quoi, et que l'une ne cache pas l'autre. C'est surtout ça le problème, parce que si on en met trop, au bout d'un moment ça fait cafarnaüm et puis on n'entend plus rien, quoi. Très bien, donc voilà, c'est intéressant de voir ça, parce que toi tu es à la fois musicien, tu es auteur, compositeur, interprète, technicien et tout ça, donc voilà, c'est un tout. C'est vraiment aujourd'hui de plus en plus, je crois que les musiciens, ils se contentent pas d'être juste musiciens, ils ont tous plus ou moins un petit studio à la maison, ils connaissent aussi leur matériel. Le matériel demande de plus en plus de compétences techniques, parce que bon, c'est quand même des choses électroniques et tout ça, donc et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un métier, hein. Il faut tout connaître, hein. Voilà, c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé dans l'émission, parce qu'on a dit tellement de choses, on a parcouru plein de choses, on a vu au niveau des projets, tout ça. On a encore plein de morceaux à écouter, donc limite on fait place à la musique peut-être. Oui. On va continuer avec les autres morceaux. Alors, je me souviens plus si je les avais calés ou pas. Voilà, ils sont pas calés, tout simplement. Parce que justement, on est dans l'émotion, on parle de plein de choses, et puis finalement, on oublie un petit peu le côté technique. Donc, on va continuer avec... là, on vient d'écouter... As Darkness Falls. Voilà, donc le prochain morceau, c'est Under the Streetlight. Voilà, ça durait quelques secondes, mais bon, c'est fait. Donc là, j'ai calé le prochain morceau. Et puis, on va écouter Under the Streetlight et on enchaînera avec un titre qui s'appelle Nothing. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est prévu. Et après, on en calque quelques morceaux aussi. Donc, on va essayer de pas être trop bavard et diffuser le maximum de musique de Class Zone pour pouvoir découvrir cet univers. Donc aujourd'hui, tu viens dans l'émission Mavrika, c'est la première fois que tu viens, mais régulièrement, j'aimerais bien que tu reviennes aussi, puisqu'on a encore plein de choses à découvrir. Et en plus, je sais que d'ici le prochain passage, tu vas encore nous trouver encore des nouveaux morceaux, enregistrer encore des nouvelles choses. Donc on va continuer à suivre ton aventure. C'est parti, on écoute le morceau Under the Street Light, le groupe Glass Zone. j'essaie de diffuser le maximum de musique dans cette émission. C'est vrai que l'émission passe très vite, hein. 3 heures, c'est très vite passé. On n'aura pas le temps de diffuser tous les morceaux. Là, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Nothing, et juste avant, c'était Under the Streetlight. Tu veux dire quelque chose sur ces morceaux-là? Non, rien de particulier. Si on commence à développer après. Non, rien de particulier. Voilà, en tout cas, il s'écoute bien des morceaux qu'on peut qualifier de cold wave, hein, c'est un peu le style que tu aimes et que tu joues. Il nous reste encore quelques morceaux à écouter. Alors déjà, je voulais remercier tous les gens qui nous ont fait un petit coucou sur le Facebook de l'émission Mavrika. Alors il y a le programme, hein, vous pouvez aller voir le programme de l'émission numéro 548 du vendredi 14 avril, donc c'est aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura tous les noms de tous les morceaux qu'on a diffusés, comme ça si vous êtes intéressés, vous pouvez savoir quel est l'interprète et quel est le titre. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui cette émission est consacrée principalement à Glass Zone, donc on a écouté pas mal de morceaux, mais nous en restera encore beaucoup à écouter. Après, si vous avez loupé le début de l'émission, si vous avez apprécié l'émission, que vous avez envie de la réécouter, vous pouvez aussi télécharger le podcast grâce à notre ami Florent. Voilà, on lui fait un petit coucou, parce que déjà, il nous fait un petit coucou sur le Facebook, et on lui fait aussi par l'intermédiaire de l'antenne de Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Et il nous dit, voilà, si vous voulez dépasser un petit peu, vous voulez dépasser, parce qu'il y a des fois, il n'a pas la possibilité d'enregistrer. Mais là, en tout cas, ce soir, on prend le temps d'écouter les 3 morceaux qu'on a décidé de programmer jusqu'à la fin de cette émission. Donc, on voulait faire un grand merci à notre ami Florent qui fait le podcast. Merci donc à tous ceux qui sont intervenus sur le Facebook. Vous pouvez de toute façon continuer à intervenir au moment où vous voulez, hein, pas forcément pendant l'émission. Et à la fin de chaque émission, on a l'habitude de dire des phrases magiques. Alors la première, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Alors ce soir, ça sera que la cold wave soit avec vous, que la musique en général, quand elle est bonne, voilà, c'est le plus important, c'est de partager la musique avec les gens, et puis plein de d'émotions qui vont avec. Et la deuxième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Et la troisième, c'est everything is gonna be alright. Voilà, donc toujours le message d'espoir à la fin de cette émission Mavrika. On arrive bientôt à la fin, c'est pour ça que je l'ai dit, comme ça on est un peu plus tranquille. Et je vais donner un petit peu la parole à Judy pour dire quelque chose aussi. T'es à la radio, t'as envie de dire quelque chose à nos animateurs, à nos auditeurs, vas-y. Non, rien de particulier, restez comme vous êtes. Et allez au concert aussi. Voilà, allez au concert. Faites vivre les concerts et tout ça pour que la musique puisse continuer, quoi, à vivre. Voilà, ça c'est important. Donc, nous on va attendre avec impatience les concerts de Glass Zone dans la région. Hein. Sinon, il va falloir aller loin, à Clermont-Ferrand. Donc, 2 heures et quelques de route pour aller voir le concert. C'est le 12 mai, c'est ça? Le 12 mai. Voilà, donc, et sinon, il va falloir attendre un petit peu pour qu'il y ait Glass Zone dans la région. Voilà, on va attendre avec impatience, mais ça va se faire, hein, de toute façon. Oui, ça va être prévu. Très bien. Autre chose à rajouter? Un petit coucou à faire à tous les gens qui nous écoutent ou des gens que tu connais. T'as envie de faire un petit bisou à une personne en particulier ou un truc comme ça? Il faut pas hésiter. Hein. Non, j'embrasse tout le monde, tous ceux qui me connaissent, voilà. Voilà, donc ce soir on découvre Glass Zone. À partir d'aujourd'hui, je vais te remettre le diplôme. Tu fais partie de la Mavrika Family. Et régulièrement, donc dès qu'il y a l'actualité, que tu as envie de revenir faire un petit tour ici, t'hésites pas à me contacter, on reprogramme une date, et puis ça va se faire, hein, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc la semaine prochaine, il y aura le groupe le Satisguy. Donc ils sont 8 apparemment, donc on va essayer de voir, on va peut-être pas recevoir les 8 d'un coup, mais en attendant, c'est un groupe de reprises, donc ils reprennent beaucoup de chansons de rock classique. Je crois que c'est comme ça qu'ils se définissent. Donc la semaine prochaine, on découvrira leur univers. Moi, je les connais pas encore pour l'instant, à part quelques membres peut-être, hein, parce qu'il y a au moins une personne que je connais dedans. La semaine d'après, ça sera donc, comme j'avais dit tout à l'heure, Stéphane qui viendra, Stéphane Acoustique, pour terminer ce mois d'avril. Et puis au mois de mai, donc pour l'instant tout reste à faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à venir. Hein. Donc je les ai marqués, par exemple le groupe Custom qui est jamais venu dans l'émission Mavrika mais qui va participer au Mavrika Live. J'ai envie qu'ils viennent avant, donc on va essayer de les caler en priorité. Il y a aussi d'autres artistes, je suis en train de laisser Angéline Anonier aussi qui va revenir dans l'émission Mavrika. On avait passé un bon moment avec elle. Alors je vous rappelle, c'était aussi la choriste de Johnny Hallyday, donc c'est une belle voix et elle a envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on l'accueillera avec beaucoup de plaisir. Et puis j'en ai plusieurs comme ça, ils sont tous notés, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure on recalera dès qu'on saura les dates de disponibilité du studio, sachant que normalement il y aura peut-être une ou deux semaines où il sera pas disponible pour faire l'émission Mavrika parce que on doit avoir du nouveau matériel. Voilà, ça c'est important de le signaler. Donc ce qu'on va faire, on va continuer à écouter un petit peu de musique et puis on dit tout de suite au revoir, non, ou on dit tout à l'heure comme tu veux. Bon, on va écouter la musique, oui, et on fait un petit coucou à la fin et puis on se dit un petit coucou juste avant la fin de l'émission. On va continuer à écouter Glazone avec deux autres titres. Là, on vient d'écouter Nothing, donc le morceau qu'on va écouter c'est The End of the World et on continuera avec Factory Town. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. À la fin de cette émission, donc c'était l'édition numéro 548 consacrée au projet Glass Zone. Voilà, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec les Satisfy Guys. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous à partir de 19h vendredi prochain, même endroit, même heure. Voilà. À très bientôt, Judy. Bah, je sais qu'il a pas le casque sur la tête, donc il nous entend pas. Mais on va se quitter en écoutant un dernier morceau du groupe Glass Zone, et ça s'appelle Atmosphère. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. À très bientôt. Bises. Ciao. sound of the mic, c'est un journal pour l'amour, c'est que ça est mal. Je suis un peu, côté de mon champ, j'ai le gars du tala, je garde à bord. Sound of the mic, c'est un journal pour l'amour, c'est que ça est mal. Je suis un peu, côté de mon champ, j'ai le gars du tala, je garde à bord.